C'est fou le nombre de gens qui confondent millionnaire et milliardaire. C'est-à-dire que quand tu dis à une personne je veux devenir millionnaire, eux ils imaginent jet privé, Lamborghini, hélicoptère, etc. Alors que c'est faux. Déjà, il faut savoir qu'en France, à peu près une personne sur 30 est millionnaire. Donc ça veut dire que tu connais forcément des gens qui sont millionnaires autour de toi, au moins en patrimoine. Pour bien que tu comprennes ça, imagine que chaque seconde c'est 1 euro. Et ben, il te faut 11 jours pour devenir millionnaire. Ça va, 11 jours. Par contre, il te faut 30 ans pour devenir milliardaire. Donc, est-ce que tu vois la différence? Entre 11 jours et 30 ans, si tu gagnes 1 euro par seconde, il va te falloir 1000 fois plus de temps. Donc ça veut dire 11 000 jours pour devenir milliardaire. Et ça, c'est une différence énorme. Et les gens ont du mal à comprendre ça et ont du mal à appréhender ça. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Devenir millionnaire, aujourd'hui, c'est accessible à beaucoup de personnes. Passer la barre des 10 millions, c'est quand même un peu dur, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Et après, au-delà des 100 millions et 1 milliard, bien sûr, on rentre dans une autre sphère et dans une autre galaxie. Comment tu as repris la maison à la banque? J'ai racheté la banque. Mais honnêtement, passer 1 million, c'est accessible à toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui.